Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle saison de notre émission mensuelle « Je peux pas, j'ai patrimoine » sur Radioactive. Une belle collaboration dont on se réjouit entre notre radio et l'équipe du Pays Loire Touraine avec ce rendez-vous qui vous invite à découvrir toute la richesse de notre patrimoine local, alors qu'il soit artisanal, historique, ludique, architectural. Le but, c'est de se laisser porter à la découverte des trésors qui nous entourent. C'est aujourd'hui la 11e édition de Je peux pas, j'ai patrimoine et nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle saison avec Lauriane Kell, responsable du Pays d'art et d'histoire, animatrice patrimoine et architecture. Bonjour Lauriane. Bonjour Marlène. Est-ce que vous avez passé un bel été ? Oh oui, très beau, très chargé, voilà, donc beaucoup de visites, beaucoup de fidèles, beaucoup de nouveautés, voilà, beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir, je pense, partagé. Toujours à découvrir des lieux ou à les redécouvrir. Donc oui, l'été était beau, grâce aussi à nos conférenciers, voilà, à nos médiateurs, à l'équipe du Pays d'art et d'histoire. Alors aujourd'hui, Lauriane, vous avez plein de bonnes nouvelles à nous annoncer, oh oui. Avec notamment la sortie d'un nouveau programme automne-hiver-printemps 2024-2025. Et on va parler aussi des journées européennes du patrimoine. Par quoi est-ce qu'on commence ? Et oui, alors du coup, c'est vrai que c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée dit Journée européenne du patrimoine. Donc, nous, on sort traditionnellement, tout début septembre, notre nouveau programme. Donc là, il fait 44 pages. Il est d'ores et déjà à télécharger sur le site internet du Pays Loire Touraine. Il est également à aller retirer, hein, si vous voulez, votre petit exemplaire dans les offices de tourisme et puis également dans les communes du territoire. Cette année, il est double, c'est-à-dire qu'il y a un côté Journée du patrimoine, qui a une très jolie couleur bleu émeraude, voilà, aux couleurs évidemment de l'affiche nationale, hein, c'est un événement du ministère de la Culture, donc vous allez la voir circuler. Et puis l'autre côté, quand on retourne, pourquoi on parle du printemps ? Mais parce qu'en fait, on va quasiment réussir à boucler l'année jusqu'à l'été prochain. On vous invite à faire des découvertes de septembre 2024. Aujourd'hui, à avril 2025, voilà, jusqu'à Pâques de l'année prochaine. Avec une superbe photo de couverture où on découvre l'arrivée du tramway à Vouvray. Exactement, ça fera partie d'un des thèmes et d'une visite phare que nous allons proposer dès les journées du patrimoine. Voilà. Donc, alors, ces journées européennes du patrimoine. Oui, on va commencer par ça, parce que c'est vraiment le grand événement. Oui. Alors, attention à tous, ce sont bel et bien les 21 et 22 septembre. Voilà, c'est les dates officielles, donc pour ce grand rendez-vous national, européen également. Et donc, pour cette 41e édition, le ministère a choisi un thème assez intéressant, vraiment très très vaste, c'est les itinéraires, les réseaux et les connexions. Donc nous, ça nous a beaucoup inspiré. Au Pays d'art et d'histoire, on s'est dit, voilà, on va proposer un grand nombre d'actions, il y en a 12 sur tout le week-end, spécialement concoctées donc pour le public. 12 actions pour les petits et les grands, le samedi et le dimanche, donc 21 et 22. Et donc, pour répondre au thème donc, de ces itinérances, on a travaillé autour du thème du voyage. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a créé 3 nouvelles visites à Amboise, à Mont-Louis-sur-Loire et à Vouvray. Voilà. Donc, il y aura voyage à Amboise, voyage à Mont-Louis-sur-Loire et voyage à Vouvray. On refera même 2 fois celle d'Amboise, voilà, tellement on aime... Et que le patrimoine du voyage est très intéressant sur Amboise, donc au niveau du quartier du Bout des Ponts. Et donc ces visites-là seront programmées, tout est gratuit. On conseille quand même l'inscription parce que bon, voilà, on ne sait jamais, on peut être victime du succès. Donc ça, c'est pour vraiment répondre au grand thème. Et puis, on n'oublie pas les enfants. Et donc, il y aura 2 chasses au trésor cette année, des nouvelles chasses au trésor. On va à Autrèche, côté de Château-Renaud. Et on va à Civray de Touraine, à côté de Bléré. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés. Et on irait également à La Croix en Touraine pour se tester à l'architecture pour des bâtisseurs du Moyen-Âge, gothiques et romans. Donc ça n'aura plus de secret pour les enfants. Ça peut se faire également en famille. Voilà, donc ça, c'est les actions qu'on fait famille-enfant. Pour les plus téméraires, toujours les réseaux, les connexions, l'itinérance. On s'est dit, on part en randonnée. Voilà. Et cette fois-ci, on s'associe au nouvel espace du Cher, le NEC, pour ceux qui connaissent davantage l'abréviation. donc le NEC avec lequel on collabore pour travailler autour des maisons éclusières de la vallée du Cher. Et donc on prépare deux randonnées, les deux matinées. Donc voilà, il faudra chausser les baskets dès le 21 au matin à Chandon jusqu'à Nitray pour découvrir le Cher avec d'autres intervenants. Voilà, on sera plusieurs à présenter le patrimoine. Et puis le lendemain matin, donc, c'est cette fois-ci Véretz et Larçay, une randonnée un peu plus importante. Et à chaque fois, vous aurez la possibilité, alors, soit de refaire le trajet retour à pied, naturellement, petite balade très sympathique, soit d'emprunter un bateau. Voilà, grâce aux mariniers à la fois donc, le Val-Chantré pour Athée-sur-Cher et le Jean Bricot pour Véretz-Larçay. Mmh. Voilà. Donc il y aura une toute petite participation, mais ça permet à ces deux associations de faire vivre ce patrimoine qui est très très important pour cette vallée. Oui, très sympa, une petite traversée d'environ 15 minutes. Voilà, donc voilà, un gentil retour, voilà, on contribue au patrimoine et puis on admire les paysages de façon très différente. Et puis enfin, parce qu'on adore aussi créer la surprise, cette année, le samedi soir, on sera à Chenonceau pour notre balade patrimoine à la lueur des bougies. Là, on vous concocte. Ça promet. Voilà, bah justement, le village sera illuminé. Alors, je dis bien le village. Alors, pas que le château soit pas inintéressant, au contraire. Vous pourrez le visiter la journée, pas de souci. Et on fera une petite incursion devant un monument qui, d'ailleurs, appartient au château de Chenonceau, qui est la gare de Chenonceau. Ah oui. La maison de garde-barrière, exactement, qui est un très bel édifice. Donc ça fait partie du patrimoine aussi des itinéraires. Et donc, on va faire une déambulation dans le village. Plein de surprises. Je vous en dis pas plus, il y aura de la musique, il y aura du théâtre, il y aura une projection finale, voilà. Ça va être très sympa et des produits locaux également à déguster à la fin. C'est gratuit, il faut s'inscrire quand même aussi, comme ça on saura à peu près combien de bouches on pourra satisfaire. Donc à partir de 20h et ça durera à peu près 2h. Voilà, c'est à 20h le samedi soir du 21 septembre, donc c'est une super balade, voilà, à faire en famille. Voilà, c'est pas une visite comme les autres, hein. Vraiment, faut se laisser porter. Mmh. Et puis enfin, le dernier cadeau, c'est le papotage patrimoine qui a lieu dimanche à 17h. Toujours aussi sur inscription parce que là, c'est surprise. On vous donne rendez-vous devant l'église de Saint-Ouen-les-Vignes et ensuite, on vous emmène dans un endroit secret, privé. À la méthode des rave parties. Voilà, un petit peu. Bon, là, ça va être plus calme, moins bruyant, oui, j'allais dire. Légal. Ça va être légal, tout à fait. Ça va être parfaitement légal. On sera accueillis très gentiment par les propriétaires privés, dont je tairai le nom aujourd'hui. Donc, tous ceux qui s'inscriront découvriront auront la surprise du lieu privé. Et donc, on fera un petit goûter et on aura un grand plaisir à partager notre amour du patrimoine tous ensemble. Dans ce lieu donc très très très beau qu'on vous a réservé, voilà. Et que vous ne verrez peut-être qu'une seule fois dans votre vie. Peut-être, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment que les actions du Pays d'Arrêt d'Histoire, hein. Bien sûr, on a collecté toutes les actions sur le territoire, autour d'Amboise, Bléré, Château-Renaud, Vouvray-Mont-Louis. Il y a 23 pages de programmation, donc tout ça, n'hésitez pas à le feuilleter, c'est réparti par territoire communautaire, hein. Donc vous pouvez aller chercher autour de chez vous. Voilà, ou passer sur le territoire d'à côté. Donc, il y en a pour tous les goûts. Petit patrimoine, patrimoine connu, beaucoup d'associations, des privés aussi qui s'engagent. Des événements très importants aussi autour, par exemple, de la libération de la Touraine. Oui, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Oui. Donc, à Athée-sur-Cher en particulier. Donc, allez leur rendre visite à tous ces courageux, j'allais dire, passionnés du patrimoine. Et puis, bah, nous, on vous donne rendez-vous aussi un peu partout sur le pays. Alors pour ces journées européennes du patrimoine, avec ce programme que vous venez de nous annoncer, Lauriane, c'est quand on feuillette le petit fascicule, on peut voir que sont estampillés les petits explorateurs en différents endroits. Ça veut dire qu'on peut télécharger l'outil. C'est ça. Alors en fait, il faut aller, en effet, on a systématiquement répertorié. Alors aujourd'hui, on est peut-être à les 25 fiches, peut-être plus. Comme je vous le dis, il y en aura deux nouvelles pour les journées du patrimoine. Donc les petits explorateurs, c'est notre moyen à nous, et aussi surtout pour le public familial, de découvrir de façon autonome le patrimoine. Donc c'est simple, ça se télécharge en ligne sur notre site internet. Et puis vous allez dans publication, là vous avez toutes les fiches. Vous choisissez votre commune, voilà, vous verrez en fonction de si elles sont évidemment référencées. Et puis, vous avez évidemment la fiche réponse. Donc, vous pouvez jouer avec vos enfants, leur poser des questions pendant la balade. Tout est accessible, hein. Il n'y a pas besoin d'entrer dans un monument ou dans une église parfois fermée. Là, tout est à l'extérieur et c'est beaucoup d'observations. Ça permet aussi aux familles de découvrir par eux-mêmes, avec leurs enfants, le patrimoine. Voilà, on ne le dit jamais assez, mais il y a beaucoup d'outils téléchargeables en ligne. Je le redis régulièrement, mais allez télécharger ce jeu de cette famille qui est absolument super, hein, pour jouer avec vos enfants. Mais vraiment, hein, nous oui. on y joue souvent. Ok, très bien. Est-ce qu'on marque une petite pause en musique, Lauriane ? Oui, parce que là, c'est un gros morceau, les gens du patrimoine. C'est un gros morceau. Alors, on va enchaîner sur le sel. Ce ne sont pas les services d'échange locaux. C'est le sel, un titre de Olivia Ruiz qu'a choisi Lauriane aujourd'hui pour cette rentrée. On écoute. Quant au foutre-camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant. Mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito. Tu sonrisa, mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment. Tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Olivia Ruiz sur Radioactive, le sel, une chanson choisie par Lauriane. Lauriane Kell, responsable du Pays d'Art et d'Histoire, animatrice patrimoine et architecture, qui nous fait le plaisir d'être présente pour cette nouvelle saison. Première émission de la saison, c'est la 11e émission, Lauriane. Déjà. Oui. Déjà. Dans cette première partie d'émission, Lauriane nous a donné le programme des rendez-vous que vous propose le Pays Loire-Touraine pour les Journées européennes du patrimoine. Et maintenant, on va faire un petit peu le tour. Alors, je précise que tous ces programmes, tous ces rendez-vous, vous pouvez les retrouver sur le site internet du Pays Loire-Touraine. Exactement. Et puis les petites brochures sont à récupérer dans les offices de tourisme. Voilà. Amboise, Bléré, Chenonceau, Vouvray-Mont-Louis, Château-Renaud. C'est parfait. Il y a également un site national, hein, culture.gouv.fr, journée du patrimoine, pour pouvoir retrouver. Exactement. Si vous n'êtes pas en Touraine, voilà, le site est officiel et vous tapez la commune où vous êtes et vous trouverez autour de vous tout ce qui se fait. C'est parfait. Et maintenant, on va passer au programme automne-hiver-printemps, puisque Lauriane nous le disait en première partie d'émission, elle nous propose des animations jusqu'en avril 2025. Hein, donc, oui. On a de quoi faire. Donc, on va commencer cette émission. On va plutôt parler de septembre et début octobre. Voilà. Donc, tout est d'ores et déjà d'ailleurs en ligne. Il y a des événements Facebook et puis tout est référencé. On peut déjà s'inscrire. Alors, moi, je voulais commencer par un événement très important auquel on a grand plaisir à collaborer. Et qui se déroulera donc les 13, 14 et 15 septembre. C'est désormais bien connu, le village des métiers d'art. Voilà. Voilà, à Mône en fait. Exactement, donc à Mône, dans le parc du domaine des Tomeaux. Alors nous, ce sera la deuxième année, mais pas consécutive, qu'on y participe. Et l'idée, c'était de venir justement partager avec les artisans et, qui présenteront leur métier, notre passion du patrimoine, au travers de nos maquettes d'architecture. Donc on va se concentrer sur les maquettes du Moyen-Âge. Donc on va présenter les maquettes du roman et du gothique. Donc on pourra les manipuler, voilà, on pourra vraiment se mettre dans la peau quelque part d'un architecte, enfin voilà, ou d'un maître maçon. Et puis on aura aussi notre exposition sur les métiers d'art qui sera présentée en parallèle. Donc venez manipuler ces petites maquettes, venez surtout rendre visite à tous ces artisans qui seront présents à Mône. Voilà, et puis c'est gratuit. De manière sous-jacente, en plus, cet événement, il soutient le fonds de dotation Une musique, un sourire pour la mise en place d'une école inclusive sur la commune de Mône. On recevra d'ailleurs ce soir dans le MAG Christophe Villemain qui nous parlera du programme détaillé de Mône en fait. Excellent. Bon, bah, du coup, voilà. Donc, il faut être à Mône. Absolument. Ce week-end, c'est très bien. Autre rendez-vous pour ce mois de septembre, on part fin septembre parce qu'on aura les journées du patrimoine entre deux, on vous donne rendez-vous à Amboise, cette fois-ci pour une toute nouvelle visite, Amboise antique, Ambassia. Et oui, parce que ce sujet nous intéressait et donc nous sommes allés toquer au service départemental de l'archéologie qui se situe à Chambray, voilà, et les archéologues du département nous ont ouvert leurs portes, en particulier Jean-Michel Laruaz et toute son équipe, et donc on a préparé pour vous une visite sur de terrain, au plateau des Châteliers, voilà. Donc ça va être une super nouvelle visite, à ne pas manquer pour découvrir Ambassia, la première cité des Turons avant Caesar Autonome, avant Tours. Voilà. Oui. Donc c'est le 27 septembre. C'est important de remettre les choses à leur et place. Oui, hein. Amboise aurait pu être la capitale de la Touraine, mais voilà. L'histoire, on a décidé autrement. Et puis là, on va changer complètement de sujet. Cette fois-ci, après l'Antiquité, on s'est dit, et puis c'est une formule qu'on a testée cette année, qu'on avait envie aussi de travailler sur le bien-être. Alors on sait déjà que les visites font du bien à nos visiteurs. Littéralement, parce qu'on a beaucoup de retours très positifs. Faut dire que vous nous conduisez dans des endroits magnifiques. Donc Mais aussi parce qu'on s'est aperçu, on a eu beaucoup de témoignages, très chaleureux d'ailleurs, les gens se reconnaîtront peut-être, mais voilà, qui nous témoignaient leur gratitude, parce que ces visites, elles font partie de l'été et du quotidien aussi de ces personnes qui parfois ne partent pas, ne voyagent pas. Et donc, ça leur permet aussi d'avoir des activités. Voilà, comme vous le dites très bien, c'est vraiment très enrichissant visuellement, mais aussi moralement, voilà, mentalement. Et donc, on s'est dit, allez, le bien-être aussi doit passer par le corps. Et avec l'esprit, avec la découverte du patrimoine, on s'est dit, on va faire une association patrimoine et bien-être. Donc, deux rendez-vous au mois d'octobre qui sont gratuits, totalement gratuits. Mais il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Nous aurons au château de Mondomaine le 4 octobre, donc c'est à Nazelles-Négron. Nazelles, oui. Voilà, nous serons sur une donc patrimoine et Doin, une technique d'automassage d'origine chinoise. Voilà, donc ça c'est, on aura un intervenant spécialisé pour ce faire qui interviendra juste après la découverte du parc du château de Mondomaine. Ça se passe dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Voilà, le 4 octobre, c'est vraiment la journée nationale et on tenait aussi à ce que les gens qui aident quelqu'un de leur famille puisse avoir un répit et oui. profiter eux-mêmes d'activités dédiées. Voilà, donc c'est le cas pour cette action. Merci pour eux. Non, c'est tout à fait normal. Et on réitère sous une autre formule, et cette fois-ci à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, donc on est encore une fois dans cette même démarche, avec du Pilates le 16 octobre dans le parc Édouard-André de Lacroix en Touraine. C'est gratuit aussi, sur réservation. Le mercredi 16 octobre à 10h30. Alors ça, ce sont des visites en matinée. Oui, c'est visites en matinée. Et puis donc, avec la pratique, ça dure, la visite dure 30 minutes et la pratique environ une heure. Donc voilà, si vous n'avez pas de matériel, on vous en prêtera. Très bien, c'est bien aussi de penser comme ça au bien-être. Mais oui, voilà. Et puis pour finir, parce que voilà, on aime bien mettre la main à la pâte, on parlait des métiers d'art tout à l'heure avec Maud. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de personnes qui ont envie de faire chez eux des travaux, parfois sur des murs anciens, voilà, qui veulent utiliser des techniques saines, des techniques durables, des techniques propres, voilà. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser justement ce public pour qu'ils acquièrent par eux-mêmes les techniques, et en l'occurrence celle de l'utilisation de la chaux naturelle. Donc le 5 octobre à Noisé, donc il y aura, c'est un samedi, toute la journée, c'est une journée théorique d'abord et pratique ensuite, où vous allez tout savoir sur cette technique permettant vraiment de mettre la main à la pâte et d'avoir les bonnes références en termes de matériaux, en termes de proportions. Voilà, vous saurez faire votre propre enduit qui tiendra, qui sera votre création, j'allais dire. Donc ça, c'est assez précieux. Ça ne coûte que 20 euros. Et les places sont limitées. Attention, on a déjà commencé à remplir le stage de façon... Ah oui, donc là, il y a urgence. Il faut se dépêcher de réserver. Et oui, il faut réserver au Pays Loire-Touraine. Toujours, c'est 20 euros la journée. Et donc, en plus, on passe un très bon moment. C'est très convivial. Le midi, tout le monde mange ensemble. Donc voilà, à Noisé, le 5 octobre. Alors précisons, comme on peut le voir sur les photos, qu'il y a une vraie réalisation qui va être faite cette occasion. Ah oui, complètement. Oui, en fait, la commune de Noisé, qui est partenaire, a identifié un mur à restaurer. Et donc, en fait, vous allez même contribuer à restaurer le patrimoine local. Génial. Voilà. Vous pourrez dire, c'est moi qui ai participé à ce chantier. Super, Lauriane. Bah dis donc, que de beaux rendez-vous encore. On a envie de participer à absolument tout. Il faut se dépêcher de réserver, on le rappelle. Même si c'est gratuit, oui, voilà. C'est important parce que pour nous, même pour les journées du patrimoine, d'ailleurs, ça vous permet de vous fixer aussi, de vous dire, bon, bah voilà, je fais ça ou ça. Et puis, souvent, les jauges sont limitées. Saint-Ouen-les-Vignes, ça sera vraiment, vraiment une visite exclusive. Je crois qu'on doit avoir une trentaine de places seulement. Et puis après, voilà, pour les ateliers enfants, c'est pareil, voilà. Ça nous permet, nous... Alors, tous les enfants repartent avec une petite surprise, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Mais ils sont tous décorés d'une médaille, d'un badge explorateur du patrimoine. Voilà. Donc, ils sont reconnus officiellement comme des membres de la communauté du Pays d'Art et d'Histoire. Voilà. Donc, quand on y a goûté, voilà, généralement, on y retourne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Lauriane, d'être venue nous annoncer tous ces beaux rendez-vous à venir qu'on peut retrouver, encore une fois, sur le site internet et puis surtout pour pouvoir réserver. Donc, ne pas hésiter. Et puis, quant à nous, on va se retrouver bientôt. Mm-hmm. Alors, on retrouvera Anna, Camille, Arnaud. Oui, exactement, oui, oui. Et puis, mais vous serez jamais bien loin. Non, non, non. D'autres émissions très sympathiques. Voilà, on vous prévoit des conférences, des ateliers, les journées de l'architecture. Enfin, voilà. J'allais pas dire ne quittez pas, mais presque. Il y aura beaucoup d'activités à venir. Et puis, de toute façon, on se voit sur le village de Mône, en fait. Hein, donc. On se voit très très vite. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Lauriane, c'est la fin de ce Je peux pas, j'ai patrimoine. À très vite pour une nouvelle édition.